بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سندخل في المسألة الثالثة وخمسين مسألة on a passé celle qui était d'avant car celle qui était avant était assez longue et assez complexe à expliquer par rapport au fait de lier entre deux sœurs est-ce que cela est permis pour celui qui est est-ce que cela est permis est-ce que le verset est également valable pour les esclaves est-ce qu'il n'est pas permis aux abd yani aux muslims de profiter de deux sœurs qui seraient ses esclaves. La masala est assez complexe. Et le résultat, l'aboutissement de cette masala, c'est que le chien voit que, pour ce qui est des esclaves, le verset n'est pas, ne s'applique pas pour les esclaves. Mais s'applique juste pour celui qui se marie avec une sœur, qui n'aurait pas le droit de se marier avec sa sœur. Sa sœur, comme on dirait en français, germaine, c'est-à-dire de même parent. Toujours juste un taudir par rapport à la mas'ala qui était avant, par rapport au fait que la femme soit détenue chez elle pour avoir fait le fahisha, pour bien éclaircir la fin. C'est qu'il a dit soit que le verset a abrogé le fait que les femmes qui faisaient zina auparavant devaient être retenues chez elles jusqu'à la mort, parce que Allah leur donne une issue. Et l'autre réponse, c'est qu'en fait, je crois que c'était pas assez clair dans l'autre audio, c'est qu'en fait, ils les retiennent, les gens les retiennent chez eux, les hommes les retiennent chez eux, et que leur issue, justement, ce soit jusqu'à ce que la sentence leur soit appliquée. Si jamais c'est une bicre, c'est la flagellation. Si jamais c'est qui n'était pas bicre, qui a déjà été marié, ce sera la lapidation à mort. Donc le verset peut expliquer comme cela. Que le fait qu'ils les retiennent dans les maisons, c'est en fait jusqu'à ce que la sentence leur soit appliquée. Voilà, en espérant que ce soit plus clair que ce qui est utilisé dans l'audio précédent. Donc, Ibn Narji, il est le mas'ala, al-khamisa, wa thalitha, wa khamsin. Fi qulillahi ta'ala, fa'in ataina bi fahshatin fa'alayhinna nisfu ma'a al-muhsanat ibn al-azab. Dans le sens où Allah il dit que si jamais elles commettent de la perversion, une turpitude, là c'est le sens voulu, là c'est la fornication, alors elles auront droit à la moitié du châtiment des femmes libres. Et là, il fait allusion à Azawajel, aux esclaves, aux femmes esclaves qui feraient zina. Surat An-Nisa, verset 25. Quand Allah a dit l'ayatou, tadullu ala anna al-ima, iza zayyana, iza zanayna, afouen, iza zanayna, julidna khamsine jaldata. وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Donc ce verset dans son apparent laisse entendre que la femme esclave qui viendra faire zina n'aurait droit qu'à 50 coups de fouet. Elle n'aurait droit qu'à 50 coups de fouet. Et un autre verset est venu plus général montrant que toute femme qui fasse zina, même homme, soit flagellé sans coup de fouet si jamais c'est une bicre. Comme Allah Azza wa Jal, dans le sens où il dit, et la fornicatrice et le fornicateur, flagellez-les, chacun d'entre eux, sans coup de fouet. Sur le Nour, la lumière, verset 2. Donc là, on a un texte qui dit que pour l'esclave, c'est 50, et un autre texte qui dit que pour tout fornicateur, c'est 100 coups de fouet. Alors on parle du bicre. قال الجواب ظاهر وهو أن هذه الآية مخصصة للآية النور لأنه لا يتعارض عام وخاص. Donc la réponse est claire, c'est tout simplement que là, ce verset-là, c'est un verset qui est spécifique, qui est khas. Le verset de Sourate An-Nur, c'est un verset qui est général par rapport au fait que le fornicateur et la fornicatrice, on les flagelle. Et après, ce verset-là est venu faire un tarsis, une spécification pour la femme esclave qu'elle, elle a droit à un autre châtiment. هذا هو الجواب. نعم فبهذا اكتفي والحمد لله رب العالمين